se battre, se consumer jusqu'à l'insomnie, redémarrer, réitérer, reprogrammer, réinventer. Il faudra comme quatre déployer de la fraternité pour que la cause demeure irréprochable, qu'elle soit louable, inépuisable. Il faudra se battre comme dans un ring à rendre coup sur coup pour que les coups de coude viennent coups de main, les coups du sort, des coups de chance. Il faudra y croire, laisser intacte la flamme de ton désir, qu'elle soit paisible, telle une bougie en cathédrale. C'est ce chemin des filles petites que je t'invite à suivre. C'est ton chemin de vie, ami, un monde en devenir. C'est ce chemin des filles petites que je t'invite à suivre. C'est ton chemin de vie, ami, un monde en devenir. Il faudra se battre pour que la voix soit légitime, qu'elle nous entraîne à travers champ, à travers col, à travers cime. Il faudra du temps, beaucoup d'amour, d'humour, de contemplation, de solitude, parfois dans tes secrets et de partage, de confession. Il faudra du cœur pour résister à la résignation et pour trouver les mots de réconfort, rendre magique cette communion. Il faudra se battre et des sourires de connivence quand le vent souffle au pied de la falaise, qu'il faut monter, donner du sens. C'est ce chemin des filles petites que je t'invite à suivre. C'est ton chemin de vie, ami, un monde en devenir. C'est ce chemin des filles petites que je t'invite à suivre. C'est ton chemin de vie, ami, un monde en devenir.